Chapitre 13e, Thom Twig. À quelques jours de cela, un matin, M. Baumier, chef de la sûreté, achevait dans son cabinet de dépouiller son courrier. L'huissier lui remit une carte de visite. « Bien, » fit-il après l'avoir lu. « Bien, oui, faites entrer. » Quelques secondes après, l'huissier introduisait le visiteur. C'était un homme de 40 ans environ, très correctement habillé, avec même assez de recherche, d'élégance, offrant le type absolu de l'Américain du Nord. La figure rasée scrupuleusement, aux traits accusés, aux mâchoires larges, dénotait la tendresse, l'énergie, le nez s'avançait, puissant et recourbé entre les yeux noirs qui brillaient, vifs, scrutateurs, très intelligents, la bouche en coup de sabre s'arquait au-dessus d'un menton proéminent, volontaire. De cette voix gutturale et nasillarde à la fois des Américains quand ils ont le timbre de voix de basse, il dit au chef de la sûreté, après l'avoir salué, « Je suis Thom Twig, de New York. » Le chef de la sûreté lui désigna un fauteuil devant son bureau. Thom Twig s'assit, puis avec cette brusquerie qu'apportent les Américains parlant affaires, il demanda « Savez-vous parler anglais ?»« Non, je le regrette. » »« Tant pis, moi je ne parle pas très bien français. » »« Je crois que nous nous entendrons cependant suffisamment. » « Je suis heureux, alors. » L'Américain dit ensuite, « Ma carte vous dit mon nom, mais pas ma qualité. Je suis Thom Twig, le premier détective américain. » « Je connais en effet votre nom. » « Oui, j'en suis sûr. Je suis le plus notable détective des États-Unis, celui qu'on paye le plus. » « Mes félicitations. » « Yes. J'ai travaillé autrefois avec Sherlock Holmes, à mes débuts. » C'était un homme très fort, véritablement très fort. Pour l'époque. Maintenant, on fait mieux. Cependant. Yes, on fait mieux. Il paraît en effet que Nick Carter... Oh, Nick Carter, fit l'Américain avec un sourire. Nick Carter est mon élève. Yes, lui, très fort en bluff. Il raconte à la presse ce qu'il a fait. Et ce qu'ont fait les autres, il le passe à son actif. Si c'était vrai... Il aurait bien mis 100 ans à faire tout seul tout ce qu'il dit. Nick Carter. Il est maintenant engagé chez Barnum, avec son cousin Buffalo Bill. Yes, c'est Bluff & Co. L'Américain ajouta. Ma réputation à moi n'est pas dans les petits livres pour enfants, mais dans la mémoire des hommes. Je défends qu'on n'écrive rien sur Thom Twig. D'ailleurs, je travaille surtout pour les banques, la haute finance. Et je ne me mêle de crime que quand Nick Carter et les autres n'arrivent pas à se tirer d'affaire. Il conclut. Maintenant que vous savez que je suis... Voilà ma plaque de détective, mes papiers d'identité. Une lettre du ministre de la Justice américaine, du chef de la police américaine, et la recommandation de l'ambassadeur américain à Paris qui m'accrédite auprès de vous. Thom Twig déposa tout en les énumérant ses divers documents sur le bureau de M. Baumier. Comme le chef de la sûreté, par déférence, jetait sur ses papiers un coup d'œil superficiel, Thom Twig insista. « Je vous prie de bien vérifier ces papiers, de les examiner très sérieusement pour reconnaître ma qualité, afin de m'accorder sans hésitation le concours que je viens réclamer. » M. Baumier alors parcourut plus attentivement les documents et les remit à l'Américain qui, assis dans le fauteuil, attendait tranquillement le résultat de cet examen. « C'est parfait, » dit-il. Ces pièces sont authentiques et légalisées. Vous êtes accrédité auprès de moi. » Alors Thom Twig se leva et tendit la main à M. Baumier. « Yes, je suis heureux de faire votre connaissance. » Puis il ramassa les papiers, les serra précieusement dans son portefeuille et dit « Maintenant, je vous demande de me mettre en rapport avec Paulin Broquet. » « Ce sera facile, » dit M. Baumier en appuyant sur un des boutons de la batterie de téléphone que supportait une petite table à côté de son bureau. Nous avons en Amérique grande admiration pour Paulin Broquet, reprit Thom Twig. Son ingéniosité, son audace, son courage nous étonnent, nous, Américains. Au téléphone, on répondit que Paulin Broquet n'était ni à la préfecture ni chez lui, qu'il était parti de grand matin et ne rentrerait pas de la journée. Alors demain, monsieur Thom Twig, laissez-moi votre adresse. « Je dirai à Paulin Broquet de passer chez vous dans la matinée. Ça vous va-t-il »« Parfaitement. Entendu. » Thom Twig donna son adresse, serra encore très fortement la main du chef de la sûreté et sortira. Dans la matinée, le lendemain, il attendit son confrère français dont il désirait si fortement faire la connaissance. Le détective américain occupait un petit appartement dans un family house, avenue de la Grande Armée, fréquenté par les Américains. Il était servi par son valet de chambre chinois qui l'avait amené et qui était très au courant de ses manies et des exigences particulières de son service spécialement compliqué. Vers 10 heures, Tsin annonça Paulin Broquet. Thorntwick, qui devant une petite table écrivait, se leva et regarda vers la porte par laquelle le détective français allait entrer. Paulin Broquet parut. Il fit 2 pas dans la pièce pendant que Tsin derrière lui fermait la porte. Il s'arrêta et enveloppa Thorntwick de son regard d'acier. Les 2 hommes, à un moment, se tinrent ainsi, se regardant, s'étudiant, semblant vouloir pénétrer chacun dans l'âme de l'autre. « Paulin Broquet ?» demanda enfin l'Américain. « C'est moi. All right. »« Thorntwick ?» demanda Paulin Broquet. « C'est je. »« Très bien. » Alors l'Américain s'avança vers Paulin Broquet, les mains tendues, et lui fit en anglais des compliments. Paulin Broquet sourit. « Je ne comprends pas. » L'Américain s'écria en manifestant un grand étonnement. « Oh, je croyais que vous parliez très bien l'anglais. »« Je bredouille quelques mots, comme tout français. »« Cependant, vous avez séjourné longtemps en Angleterre et aussi en Amérique. »« C'est exact, mais j'avais avec moi un de mes lieutenants qui, lui, parle admirablement l'anglais. De là à l'erreur. »« Probablement. » Il y eut un silence pendant lequel les 2 hommes s'observèrent encore. Entre eux régna une sorte de froid, de gêne, d'anxiété. Puis, Paulin Broquet prit son attitude de sphinx impassible, impénétrable, mais l'Américain éclata alors d'un grand rire, très bruyant. « Bon, nous nous entendrons tout de même. Espérons-le. » Thorntwick, cessant brusquement de rire, indiqua un fauteuil à Paulin Broquet, lui offrit un cigare. Les 2 hommes se mirent à fumer silencieusement encore, se jetant de temps en temps des coups d'œil à la dérobée. De nouveau, l'Américain dut prendre la parole. « Monsieur Baumier a pris connaissance des papiers m'accréditant auprès de lui. Je le sais. Monsieur Baumier a vérifié mon identité. Il me l'a dit. Vous avez fourni la preuve indiscutable que vous êtes bien Thorntwick, le détective américain. Yes. Mais ici, dans cette maison, ici à Paris, je suis seulement incognito, sous le nom de William Donald, pour mon travail. » « J'ai compris. Et pour ce travail, j'ai besoin de votre concours. » Une flamme passa dans les yeux gris de Paulin Broquet, mais il abaissa aussitôt ses paupières, et comme pour se voiler mieux encore, il lança devant sa figure 2 ou 3 grosses bouffées de fumée. « Yes, » reprit l'Américain, « j'ai besoin pour réussir de tout le merveilleux talent, la fantastique habileté et l'admirable courage de Paulin Broquet. Vous me flattez. No, je dis la vérité. » Alors aucun compliment ne peut m'être plus précieux que celui de Thorntwick, le plus grand, le plus célèbre, le plus illustre des détectives américains. Thorntwick tendit les mains à Paulin Broquet. Paulin Broquet avança les siennes. Mais au lieu de les mettre dans celles de l'Américain, par un mouvement instinctif, c'est lui qui prit celles qu'on lui tendait et qui les secoua fortement dans un shake hand tout à fait américain, à démonter les épaules. Puis les 2 détectives s'enfoncèrent dans leur fauteuil, se remirent à fumer silencieusement tout en se regardant du coin des yeux. Après un court moment de silence et d'immobilité, ce fut encore l'Américain qui dut, comme précédemment, prendre la parole. « Voilà. Je suis envoyé en Europe par 2 grosses maisons de banque de New York. Ces maisons préparaient une émission et avaient confié pour le jour de lancement quelques paquets de valeurs et des documents secrets très importants au banquier Montreuil. » Paulin Broquet écoutait. Thorntwick reprit. Sir Montreuil a été assassiné. C'est regrettable doublement parce que les valeurs prises dans son coffre-fort, l'émission n'étant pas faite, ne sont pas répertoriées. Étant de plus au porteur, on ne peut les frapper d'opposition. Ces valeurs jetées sur le marché à Paris, à Londres, à Berlin, provoqueraient une baisse terrible. Un affolement, une perte de plusieurs millions de dollars pour mes clients. De plus, les documents peuvent tomber dans des mains expertes et faire avorter d'autres combinaisons qui causeraient à mes clients un préjudice plus grand encore. Tout en parlant avec son accent américain, Thorntwick s'exprimait très correctement en français. Toutefois, le mot français semblait lui échapper au cours de la phrase. Il le cherchait et le disait en anglais, comme s'il espérait que Paulin Broquet allait lui en donner la traduction. Mais Paulin Broquet écoutait seulement. Il laissait Thorntwick chercher et il attendait, toujours impassible, que l'Américain eût trouvé le mot voulu. « Je dois donc, reprit Thorntwick, reprendre ces valeurs. » Il conclut « Voilà le problème posé, comme dirait notre maître Sherlock Holmes. » Paulin Broquet dit alors « Oui, il est posé, mais vous n'avez pas besoin de moi pour le résoudre. Excusez-moi, je ne puis rien sans vous. Pourquoi ? C'est vous qui avez été spécialement chargé de l'enquête sur l'assassinat du banquier Montreuil. Je connais très bien l'affaire. Nous ignorons qu'il y a eu vol de documents de ce genre. J'apporte les preuves. Des propositions d'achat ont été faites par les voies ordinaires des receleurs et des voleurs. Ceci vous concerne spécialement et je ne dois pas intervenir puisque le vol n'est pas établi par nous. Quant à l'affaire de l'assassinat, elle sera sans aucun doute classée. » L'Américain sursauta. « Classer cette affaire ? Vous, Paulin Broquet, vous laisserez classer une pareille affaire, vous ? Il faut bien. » « Non, il ne faut pas bien. » D'un geste violent, le détective américain jeta au loin son bout de cigare. Paulin Broquet déposa tranquillement le sien dans un cendrier. Thorntwick alors tira son étui et voulut offrir un autre cigare. Mais Paulin Broquet prévint son geste et, sortant vivement son étui, il le tendit à l'Américain qui prit un cigare. Les deux détectives allumèrent leur havane, s'entourèrent de fumée. Paulin Broquet avait repris sa pose dans son fauteuil, le buste renversé, appuyé au dossier, les bras allongés sur les accoudoirs, les jambes passées l'une sur l'autre. Brusquement, Thorntwick donna un coup de poing sur le bras de son fauteuil, demanda « Enfin, qu'est-ce que vous pensez du comte de la Guérinière ?»« Rien, » répondit Paulin Broquet du bout des lèvres. « Oh, rien, quoi rien ?»« Rien, c'est tout. » »« Est-il coupable ou innocent ?» L'un des deux, c'est certain. Mais à votre avis, votre opinion? Je n'en ai pas. Oh. Celui qui pouvait le savoir mieux que nous tous, M. Montreuil, a déclaré que le comte était innocent. Alors c'est M. Laurent? Rien ne le prouve. Cependant, s'écria l'Américain, c'est forcément l'un des deux qui est le voleur, l'assassin. Paulin Broquin secoua la tête. Non. Comment non? Vous dites non avec assurance. Grande assurance. Vous savez qui c'est? Oui. Qui? Zigomar. Le détective américain sursauta. Zigomar? S'écria-t-il. Qui est ce Zigomar? Paulin Broquet tranquillement répondit. C'est Zigomar. Thorntwick s'est élevé d'un bond. Ça ne me dit pas qui c'est, ni ce que c'est que ce Zigomar. C'est Zigomar. Je ne peux rien vous dire de plus. Le détective américain marchait maintenant de long en large dans la pièce, nerveusement, la tête penchée, fumant terriblement, les mains dans le dos, faisant claquer ses doigts. Paulin Broquet n'avait pas bougé, pas bronché. Paisible, calme, il suivait des yeux son confrère américain qui rageusement répétait « Zigomar, Zigomar !» À un moment, arrivé au bout de la pièce, Thorntwick s'arrêta net et se tournant vers Paulin Broquet, il demanda « Comment savez-vous que c'est Zigomar? Qui vous l'a dit ?»« Lui-même l'a écrit. »« Ah oui ?» Le Z sur la porte du coffre-fort. Le Z. L'Américain reprit sa promenade et ses grognements. Zigomar. Le Z. Il passa ainsi plusieurs fois devant Paulin Broquet, puis tout à coup, s'arrêtant bien en face de lui, se campant sur ses jambes, il lui demanda. Et ça vous suffit à vous, Paulin Broquet? Qu'est-ce qui me suffit? De savoir que c'est Zigomar. Non. Pourquoi ne l'arrêtez-vous pas? Paulin Broquet se mit à rire. « Vous vous en doutez bien, » répondit-il. « Oh, vraiment, alors ce gentleman est si fort que ça, hélas !» Thorntwick reprit sa promenade, puis de nouveau se plaçant devant Paulin Broquet, il s'écria « Eh bien, il faut que nous l'arrêtions quand même. »« Je ne demande pas mieux. »« Et le plus tôt possible, à cause de l'émission, des valeurs qu'il en détient, vous comprenez. »« Je suis venu en Europe pour ça, il faut nous dépêcher. »« Dépêchons-nous. » « Yes. Nous allons tous les deux travailler. Voulez-vous ?»« Soit. All right. Avez-vous commencé quelque chose ?»« Non. Vous n'avez aucun plan, aucun indice ?»« Rien. Non, je compte sur le hasard. »« Il faut provoquer ce hasard. Pousser les événements. Quand nous reverrons-nous ? quand cela sera nécessaire. Où ? Pas ici, à cause de mon incognito. Chez vous ? Je n'y suis jamais. Mais voici ce qui serait préférable. Par un mot, avertissez-moi du jour, de l'heure, et trouvons-nous chez M. Baumier. Pourquoi là ? Vous ne craignez rien, je suppose, dit en riant Paulin Broquet. On accède à la sûreté par tant de chemins que l'on peut s'y rendre souvent, sans éveiller les soupçons. Et Zigomar ne viendra pas à nous épier de ce côté. Vous avez raison, alors convenu, à bientôt. Paulin Broquet s'est élevé. Il prit congé du détective américain et se retira avec autant de calme qu'il était venu. Quand son confrère fut sorti, Thumbtwig demeura un instant préoccupé, songeur, ne parvenant pas à se détacher de la porte sur le pas de laquelle il venait de lui dire au revoir. Puis enfin il haussa ses robustes épaules. « Zigomar, s'écria-t-il. Paulin Broquet, les aides, la police, beau match !» Il alluma un nouveau cigare, puis il s'assit devant sa table et se mit à écrire une lettre. Sin entra peu après et lui dit un nom tout bas. « Qu'il entre ?» dit le détective, et il continua sa lettre. Le valet de chambre chinois introduisit un visiteur en élégante tenue du matin qui pénétra dans la pièce, l'air étonné, intrigué. Thumbtwig écrivait toujours, et fumait sans seulement lever les yeux vers le visiteur. Celui-ci, très surpris de ce manque d'égard, après quelques secondes d'hésitation, s'avança vers l'Américain. « Monsieur William Donald ? » fit-il sur un ton hautain. « Je ! » répondit l'autre sans bouger. « Yes, je ! » « Vous m'avez prié de passer vous voir pour une affaire confidentielle de la plus haute importance. »« Yes, yes. »« Votre accueil singulier me surprend étrangement. »« Non, je finis, attendez. »« On ne m'a jamais fait attendre. » »« Je suis dans le regret que je suis le premier. »« Enfin, monsieur !» s'écria le visiteur très vexé, furieux et faisant un pas menaçant. « Asseyez-vous. »« Je ne supporterai pas que quelqu'un se permette. »« Asseyez-vous. » dit Thumbtwig, écrivant toujours. « Je suis le comte de la Guérinière. » Thumbtwig eut l'air de n'avoir pas compris. « Je suis le comte de la Guérinière, » répéta celui-ci plus haut, faisant un nouveau pas, se trouvant maintenant près de la table. L'Américain haussa cette fois les épaules. « M'avez-vous entendu ?» demanda le comte, qui maintenant brandissait sa canne d'une main frémissante, prête à frapper. « Allons, du calme !» dit alors l'Américain. « Du calme !» Le comte allait répéter pour la troisième fois « Je suis le Zigomar, » dit le détective en lui coupant la parole. Le comte s'arrêta net, abasourdi, comme ayant reçu un coup violent en pleine poitrine. Mais il se ressaisit promptement. « Fou, vous êtes fou !»« Non. »« Alors vous m'insultez. » Le comte vivement leva sa canne pour la casser sur la tête de cet homme. Mais au même moment, le détective quitta sa chaise et se plaça bien en face du comte. « Zigomar, » répéta-t-il. Et le comte, en le voyant, poussa un cri. « Vous ?